à bord d'une top modèle au bord de la piscine. Il l'appelle Birdie, sort son regard de bandit et souffle sur sa peau son haleine de brandy. Un point de détail, il n'était pas de taille, daté ce jour dans ses entrailles.